إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 19 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam. Et on est arrivé au chapitre 8 dans l'explication du Cheikh Al-Bassam, le chapitre de la menstruation, Al-Hayd, Bab Al-Hayd. Le Cheikh il dit Al-Hayd, Cheikh Hafizahullah, Rahimahullah, il dit Al-Hayd Damun. جعله الله من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها فإذا وضعت تحولت إلى لبن لغذاء طفلها فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة ولهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. Donc le cheikh explique que Al-Hayd, c'est qu'est-ce qu'on appelle le sein des menstrues, les menstruations, et c'est un sein que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans dans l'utérus de la femme, et c'est quelque chose qui fait partie de sa miséricorde et de sa sagesse. Il explique le cheikh que ça fait partie des nutriments que Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour le bébé, c'est-à-dire c'est de là que c'est la préparation pour le bébé ou le fœtus lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Il y a des nutriments pour le fœtus dans ça, chaque mois, quand l'utérus se prépare à accueillir un fœtus. Puis, c'est qu'est-ce qui se transforme en lait plus tard lorsque le bébé est né lors de l'allaitement. Il dit le cheikh que si la femme, elle n'est pas tombée enceinte et qu'elle n'a pas allaité, eh bien, qu'est-ce qui avait été préparé dans l'utérus pour accueillir le fœtus, eh bien, il sort, ça s'écoule pendant la période de menstruation. Donc, les menstruations, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui avait été placé dans l'utérus de la femme pour accueillir le fœtus, et lorsqu'il n'y a pas d'enfant qui naît, lorsqu'il n'y a pas de la femme n'est pas enceinte, eh bien ça sort en des écoulements chaque mois. Et il dit le cheikh que c'est pour cette raison là que c'est très rare qu'une femme lorsqu'elle allaite, c'est très rare qu'elle tombe enceinte, et en même temps aussi que la femme qui est enceinte, bien entendu, elle n'a pas de menstruation durant le temps qu'elle est enceinte aussi. Donc ça, c'est logique. Donc le cheikh explique, il dit que lors de lors des écoulements de sang de la femme, il y a certaines règles dont elle doit tenir compte par rapport à ses adorations et autres. C'est-à-dire que quand elle a ses menstruations, il y a des choses qu'elle peut pas faire. Il y a des choses qu'elle doit faire, il y a des choses qu'elle peut pas faire. Donc il faut savoir ces règles-là. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique et particulier à la femme. Hein? Et c'est important, même si c'est un sujet qui est relié à, aux règles des femmes, mais c'est important pour les hommes également de les connaître, puisque n'importe quel homme qui est marié, eh bien, il a à connaître certaines règles qui ont un rapport avec ces choses-là, puisque une des particularités des choses qui ont rapport avec les menstruations, c'est que les rapports sexuels durant la menstruation sont interdits dans l'islam. Hein? Et donc, il y a une partie de ça qui concerne donc l'homme, et puis il doit savoir donc quand est-ce qu'il doit s'abstenir de sa femme, et quand est-ce que sa femme lui redevient licite. Et donc, il faut par conséquent qu'il sache certaines choses donc par rapport à ce sujet-là. Et le premier hadith que le Cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi il a mis dans son livre Umdatul Ahkam à ce sujet, c'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, qui dit, le hadith 39, qui dit Anna Fatima bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق لكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il signifie? C'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, et qui mentionne que Fatima, la fille de Abi Hubaysh, elle a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant Inni ustahad, c'est-à-dire j'ai des écoulements de sang continuels. Qu'est-ce qu'on appelle al-istihada? C'est-à-dire que elle a toujours des écoulements de sang, non seulement pendant sa période habituelle de menstruation, mais ça dépasse même la période de ses menstruations, c'est-à-dire que ces périodes de sang, des écoulements de sang qui ne terminent pas, tu vois. Donc ça c'est une sorte d'hémorragie, hein, que la femme a. Parfois, ça peut arriver à des femmes que elles ont une sorte d'hémorragie comme ça, et que, yani, subhanallah, elle a toujours des écoulements de sang continuels pendant sa période de menstruation, et même après la menstruation, ça continue. Alors, elle est venue demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce problème qu'elle avait, pour connaître la fatwa, pour connaître le verdict de l'islam là-dessus. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois abandonner la salat pendant tout le temps que j'ai des écoulements de sang ou non? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Ça, c'est un écoulement de sang comme une hémorragie à cause d'une veine. Hein? Et donc, il a dit, dans ce cas-là, tu délaisses la prière uniquement pendant la période pendant laquelle tu avais habituellement ta menstruation. Puis ensuite, lorsque cette période, elle termine, eh bien, tu te laves et tu fais la salat, même si tu as les écoulements de sang qui continuent par la suite. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, ça ne fait pas partie de la menstruation. Donc, lorsque la période de menstruation habituelle arrive, abandonne ou délaisse la salat, et lorsque cette période dans laquelle elle avait habituellement sa menstruation, elle termine, alors elle se lave, hein, il lui a dit lave le sein et fais la salat. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et habituellement le sein des écoulements qu'elle a dans l'hémorragie et le sein de la menstruation sont différents dans la couleur et dans l'odeur. Donc elle peut distinguer habituellement les deux seins de l'un de l'autre. Donc elle peut savoir quand c'est la menstruation et quand c'est simplement l'hémorragie qui est du sang rouge et clair, qui est inodore habituellement, tandis que le sang de la menstruation qui est plus foncé et plus épais et qui a une mauvaise odeur. Naam. Donc, ensuite, le cheikh il explique les termes qui sont mentionnés dans le hadith. Hein? Il dit ذلك بكسر الكاف خطابا أو ذلك نعم بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة. Donc le fait qu'il s'adresse à la femme, il dit ذلك en parlant de la veine, hein, l'irq, la veine qui a éclaté ou bien yani, qui a fait en sorte qu'il y ait cette hémorragie là, on appelle en arabe l'irq. Hein? Donc il dit ذلك عرق. J'ai dit ذلك mais c'est ذلك. إن ذلك عرق. Donc c'est une veine. Non. Et donc non. Qu'est-ce qu'il explique? Ensuite le cheikh il dit أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات ويقال لهذا العرق العاذل وهو في أدنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. Donc il explique le cheikh que c'est une veine qui éclate parfois qui fait que ça crée une hémorragie. Et dans une des narrations, il y a la mention justement du nom de cette veine qui est Al-Azil en arabe et qui sort du bas de l'utérus. Et tandis que le sein de l'utérus sort de l'intérieur de l'utérus. Et il dit إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ قَالَ الْخَطَّابِ بِكَسْرِ بكسر الحيضة وغلط من فتحها. Donc c'est une erreur de dire الحيضة mais c'est الحيضة. Et il dit لأن المراد الحالة. Qu'est-ce qu'on veut dire par الحيضة? C'est l'état de menstruation. Et il dit وجوز القاضي عياض وغيره الفتح وهو أقوى لأن المراد الحيض. Il dit tandis que Al-Qadi Iyad et d'autres ont dit oui c'est permis avec Al-Fatha de dire Al-Hayda, parce que qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est la menstruation et non pas l'état. Naam. Et ensuite il dit وذكر الصنعاني أن فدعي الصلاة أن فدعي الصلاة أولى من فترك الصلاة لأنه مما اتفق عليه. Donc il dit que la narration qui dit fada'i salat a précédence sur celle qui dit fatruki. Et les deux, ils ont presque le même sens, parce que da'i et truki, les deux ça veut dire de délaisser. C'est le même sens. Sauf que la version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fada'i, elle est muttafaq alayhi. C'est-à-dire, elle est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Tandis que celle qui dit Utruki, elle est rapportée uniquement par un des deux. Et celle qui est rapportée par les deux est plus forte dans son authenticité que celle qui est rapportée uniquement par un des deux. وَالْمَعْنَ الْإِجْمَالِ Le sens général de ce hadith. ذَكَرَتْ فَاطِمَة بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نعم نعم. فذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض، وإنما هو عرق دم منفجر منفجر. Donc l'explication c'est que Fatima bint Abi Hubaysh, نعم c'est bint Abi Hubaysh, puis Abu Hubaysh c'est qui, c'est ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي قرشي أسدي. Donc c'est quelqu'un de la tribu de Quraysh. Donc c'était sa fille. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est plaint qu'elle avait une hémorragie qui l'affectait, puis qu'elle n'avait jamais de pause. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais d'arrêt du sang qui coule, ça continuait tout le temps. Est-ce qu'elle devait abandonner la salat alors à cause de ça, de façon permanente? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, n'abandonne pas la salat, car le sang pour lequel on laisse la salat, ou la femme, le sang pour lequel la femme doit cesser de faire la salat, c'est le sang des menstruations seulement, et non pas n'importe quel sang. Et donc si c'est un sang autre que celui de la menstruation, comme celui de l'hémorragie ou des écoulements qui sort par exemple autre que celui qui sort après l'accouchement par exemple, donc c'est un sang qui fait pas partie du sang des menstruations et qui fait pas partie des écoulements post-natal par exemple après la naissance d'un enfant, donc ça veut dire que dans ce cas-là la femme doit pas abandonner la salat à cause de ça. Naam. Donc ça c'est une hémorragie seulement. Et le cheikh il dit ensuite wa idha kana al-amru kama dhakarat ou kama dhakarti min istimrar khuruj ad-dam fi ayyam haydatiki al-mu'tada fi wa fi ghayriha fatruki as-salat ayyam haydiki al-mu'tada faqat. فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a mentionné, ou bien plutôt elle a mentionné qu'est-ce qu'elle avait du sang qui coulait constamment même en dehors de sa période de menstruation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que quand tu as ta période habituelle de menstruation, alors délaisse la salat durant cette période-là qui est la période habituelle, et les femmes elles connaissent en général à quel moment arrive leur période, à quel moment du mois et combien de temps ça dure. Habituellement, c'est quelque chose en général qui est assez constant, sauf parfois dans certains cas, ça peut être un peu variable, mais en général, c'est une période bien connue chez les femmes. Et donc, il lui a dit, dans cette période-là, bien spécifique, cesse la salat en particulier seulement, tandis que quand cette période est terminée, eh bien, tu peux continuer ta prière. Mais avant de commencer ta prière, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rousl, comme la femme lorsqu'elle termine sa menstruation, elle fait son rousl pour se purifier, puis elle nettoie le sein et elle fait la salat. Elle fait la salat, même si elle a continué à avoir une hémorragie et qu'il y a encore du sang qui sort, puisque ça c'est plus le sang de la menstruation. Et le cheikh il mentionne qu'il y a des règles à tirer de ce hadith là, et il mentionne ces règles en disant il y en a sept points qu'il mentionne ici. La première, الفرق بين الدم الاستحاضة وبين الدم الحيض. فدم الاستحاضة هو المطبق أو المطبق، أما دم الحيض فله وقت خاص. نعم. Donc il explique que la différence entre le sein de la menstruation et le sein de la, le sein de l'hémorragie et le sein de la menstruation, eh bien le sein de l'hémorragie c'est celui qui est constant, tandis que le sein de la menstruation c'est lui qui a une période bien précise, qui a un début, qui a une fin et qui est pas pareil, hein. Et comme les ulama dans les livres de fiqh, ils l'ont défini, comme on a dit tout à l'heure, il a une odeur, une mauvaise odeur, et en même temps aussi il est plus foncé que la couleur du sang normal. Donc si quand on se coupe par exemple, il y a le sang qui sort, en général il est assez clair, tandis que le sang des menstruations, il n'est pas de cette couleur-là, il est plus foncé. Ensuite, le point numéro 2, النَّدَمْ الْإِسْتِحَاضَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ. Le sang de l'hémorragie n'empêche pas de faire la salat et il n'empêche pas de faire les autres adorations. Le point numéro 3, النَّدَمْ الْحَيْضِ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ لَهَا. وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. Donc le sein de la menstruation, il n'empêche pas de faire le sein de la menstruation, il empêche de faire la salat. Oui, le sein de la menstruation, il empêche de faire la salat. Mais la femme n'a pas à reprendre les prières qu'elle a manquées durant sa menstruation. Les prières qu'elle a manquées durant sa menstruation, eh bien, elle le refait pas. Yani. D'accord. Et ça c'est quelque chose, tous les ulama sont d'accord là-dessus. Parmi les salafs et ceux qui sont venus après plus tard, tous les ulama de la Umma sont tous d'accord sur ça, que la femme n'a pas besoin de refaire les prières qu'elle a manquées durant sa menstruation. Excepté ceux qui ont dévié parmi les khawarij, c'est les khawarij qui prétendent que la femme doit même prier ses prières qu'elle a manquées durant sa menstruation, mais ça c'est un groupe d'égarements de toute façon. Allah al-musta'an. Le point numéro 4, أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. Le cheikh il mentionne comme point numéro 4 que la femme qui a l'hémorragie, elle connaît en général la période qu'elle a sa menstruation, donc elle calcule les nombres de jours dans lesquels elle a sa menstruation. Quand c'est terminé, elle se lave, elle fait son ghusl après la fin de ses jours de menstruation habituelle, yani, pour que elle puisse dans le reste des jours faire yani, ses adorations comme elle les fait d'habitude, qui sont les adorations que la femme menstruée s'abstient de faire habituellement. Elle fait ses adorations puisque elle n'est pas considérée en menstruation même si elle a l'hémorragie après la fin de sa période. Le point numéro 5, an-nadam najis yajibu ghasluh. Un autre point qui est mentionné par le cheikh, c'est que le sang, c'est quelque chose d'impur. Le sang, c'est quelque chose d'impur. Donc, même si ce n'est pas le sang de la menstruation, c'est quand même quelque chose d'impur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le laver. Hein, de laver le sang qui sort. Donc, pour nettoyer les traces de sang qui sort. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu. Que Adam, c'est un des éléments qui font partie des najasat, des choses impures, d'accord. Non. Le point numéro 6, أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. Il dit comme point numéro 6 qu'il n'est pas obligatoire à la femme qui a l'istihada, c'est-à-dire qui a des hémorragies, elle n'est pas obligée, après sa période, une fois qu'elle a fait son ghusl pour se purifier de sa menstruation, elle n'est pas obligée de refaire le ghusl avant chaque prière. Elle fait juste le ghusl une fois, quand elle a fini sa menstruation, puis après, elle fait juste nettoyer les traces de sang qui ont coulé, puis elle fait son wudu et elle prie. Hein? Elle fait son wudu avant chaque prière, puis elle prie, elle n'a pas besoin de faire un lavement complet ou une grande ablution à chaque prière. Et le cheikh, il dit comme point numéro 7, ذكر ابن دقيق العيد أن قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لأنه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية إن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الروايات الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. Donc c'est ça. Donc il mentionne le fait que certains ulama ont considéré que dans une des narrations il n'a pas dit à la femme de faire son ghusl, mais le cheikh explique que c'est pas grave si ça n'a pas été mentionné dans cette narration là parce qu'il y a d'autres narrations authentiques dans laquelle ça a été mentionné de façon spécifique, donc ça complète la signification de qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce hadith-là. Donc on peut dire que c'est sous-entendu, même si ça ne l'a pas été mentionné dans une narration, ça l'a été mentionné dans une autre. Naam. Ok, ensuite le prochain hadith, c'est le hadith 40. Et c'est également mentionné par Aïcha radiallahu anha. Selon Aïcha radiallahu anha, il dit Anna Umma Habiba istuhidat 7 ans. Pendant 7 ans, elle a eu une hémorragie. Yani Umm Habiba, elle a eu une hémorragie pendant 7 ans. سبحان الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. Il dit, et donc elle a demandé au messager d'Allah à propos de cette hémorragie là et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a ordonné de se laver avant chaque prière, et elle se lavait pour chaque prière. Il dit غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم كما بين في رواية لمسلم ولفظه فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذا ذكره الحميري في الجمع بين الصحيحين. نعم. Après il dit والمعنى الإجمالي, le sens général de ce hadith. Il explique le cheikh أصابت الاستحاضة أم حبيبة وهي أم حبيبة يعني بنت جحش, أم حبيبة بنت جحش 7 سنين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. Non. Donc il dit que cette femme, elle a subi l'hémorragie pendant 7 ans. Et donc elle a demandé au messager d'Allah quoi faire, et il lui a dit de se laver. Et donc elle se lavait pour chaque prière. Maintenant il mentionne la divergence des ulama à ce sujet. اختلف العلماء في غسل الاستحاضة لكل صلاة هل يجب أم لا. فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث روت بذلك في بعض السنن, وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت، وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندها إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط. فكما هو في الروايات الثابتة، وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. Donc le cheikh explique que, comme on a dit tout à l'heure, la femme elle n'a pas besoin de faire le ghusl avant chaque prière. Elle a juste à faire son ghusl à la fin de ses menstruations, puis après elle lave le sein avant chaque prière, hein, si elle a du sang qui a écoulé, elle se lave puis elle fait son wudu. Mais elle ne fait pas le ghusl au complet. Mais ici dans cette narration, ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le ghusl. Et elle se lavait avant chaque prière, elle faisait le ghusl avant chaque prière, Umm Habiba. Donc qu'est-ce qui a rapport avec cette question? Il dit la divergence, il y a une divergence entre les ulama au sujet de la femme qui a une hémorragie, est-ce qu'elle doit se laver ou faire le ghusl avant chaque salat ou non? Et certains ont mentionné que c'est obligatoire de se laver avant chaque prière, de faire le ghusl au complet, le grand lavage. Hein, le grand wudu avant chaque prière, et il se base sur certaines narrations dans les sunan à ce sujet-là. Mais cette position-là, c'est pas la position qui a été adoptée par la majorité des salafs, parce que la majorité des salafs est parmi eux Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Aisha et d'autres également, et parmi les ulama aussi qui sont venus plus tard, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ils ont tous dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de faire le grand lavage ou le ghusl avant chaque prière. Et ils se basent sur l'état de base qui est la pureté, et ils disent la base c'est que ce n'est pas obligatoire. La base, c'est que ce n'est pas obligatoire, excepté s'il y a une preuve de la charia qui l'oblige. Et ils ont rapporté, ou bien ils ont répondu au hadith qui mentionne l'ordre du lavage ou de faire le ghusl, en disant qu'il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là. Et ils ont expliqué au sujet du hadith de Umm Habiba, qui faisait le ghusl avant chaque prière, que c'était quelque chose qu'elle a décidé de faire d'elle-même. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de faire le ghusl avant chaque salat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a uniquement ordonné de faire le ghusl seulement à la fin de sa menstruation. Hein? Et c'est ça qui est mentionné dans les narrations authentiques, c'est ça qui est mentionné dans le hadith qu'on a lu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit fa'amaraha an tartasil, lui a ordonné de faire le ghusl. D'accord. Puis après, elle dit فَكَانَتْ تَغْتَسِلُوا لِكُلِّ salat. Et elle faisait le ghusl avant chaque salat. Mais c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit de faire ça. C'est elle qui a décidé d'elle-même de faire ça. Et donc, le cheikh explique que la seule chose qu'il y a dans le hadith ici, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour elle de faire son ghusl une fois lorsqu'elle a fini sa menstruation. Et il dit que l'imam Ibn Daqiq, ou le cheikh Ibn Daqiq al-Aïd, qui a lui aussi un livre qui explique Umdatul Ahkam, il dit que dans les deux sahih, le sahih de Al-Bukhari et de Muslim, eh bien, dans les deux, on ne trouve pas la mention de l'ordre de faire le ghusl pour chaque salat. Ça, c'est pas mentionné. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle faisait d'elle-même. Non. C'est ça. C'est-à-dire, elle essuie les traces de saint, puis elle fait son wudu, comme on fait pour la salat, et puis c'est tout, ça suffit. Non. Exactement. C'est ça. Elle n'est pas obligée de verser de l'eau sur tout son corps, puis de se laver au complet. C'est ça, seulement de nettoyer le sang qui sort de ses parties, et elle fait son wudu et c'est tout. Et le cheikh, il mentionne ensuite, il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? C'est wujubul ghusli ala al-istihadati inda intihai iddati ayami haydiha. C'est-à-dire, on peut tirer de ce hadith l'obligation de faire le ghusl à la fin de sa menstruation. Hein? La femme qui a des hémorragies, elle a l'obligation de faire son ghusl à la fin de sa période de menstruation habituelle. Non. Ensuite, le hadith 41, c'est le hadith aussi rapporté selon Aïcha radiallahu anha. Il dit, Aïcha radiallahu anha, elle dit, كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنوب. نعم رواه البخاري ومسلم. فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. البخاري ومسلم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم. أي نعم. Donc ça c'est un autre hadith, ou bien c'est plusieurs petits hadiths ou parties de hadiths qui sont rapportés tous par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est rapporté selon Aïcha radiallahu anha. Et dans chacune de ces parties de hadith là, on peut comprendre des règles de l'islam par rapport à la femme et par rapport à la menstruation. Donc le premier, en fait, en premier, Aïcha radiallahu anha, elle dit, je faisais le ghusl, moi et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le même contenant, alors que nous étions tous les deux junub, c'est-à-dire en état d'impureté majeure après avoir eu des rapports sexuels. Donc ils faisaient le ghusl ensemble, en même temps, dans le même contenant. Naam. Donc ils posaient le contenant entre eux, hein? Ils étaient donc face à face et ils posaient le contenant entre les deux, et chacun prenait de l'eau avec ses mains et faisait son ghusl. Et donc ils faisaient leur ghusl en même temps à partir du même contenant. Donc il y a des règles à tirer de ça. Après, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, dans l'autre partie du hadith qu'elle a mentionné, elle dit, et le messager d'Allah m'ordonnait de mettre un izar. Et je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est le izar. Le izar, c'est comme je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est pas une pagne, non, c'est autre chose. C'est comme un vêtement qui se porte de la taille jusqu'aux chevilles ou en haut des chevilles, et qui est serré autour de la taille. C'est comme un genre de tissu comme ça qu'on entoure autour de la taille et qui est serré. Hein? Et qui se porte comme ça, comme en bas du corps. C'est ce qu'on appelle le izar. Et donc les hommes portaient le izar et les femmes aussi. Hein? Et le izar, la femme, Aïcha radiallahu anha, elle mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de porter le izar lorsqu'elle avait ses menstruations. Et il, yani, se collait sur elle alors qu'elle avait ses menstruations, c'est-à-dire elle couvrait le bas de son corps et le haut, hein, elle restait découvert et il dormait avec elle comme ça alors qu'elle avait ses menstruations. Non. Et dans une autre narration, il dit, il sortait parfois parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait l'i'tikaf dans la mosquée. Donc l'i'tikaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va quelqu'un qui demeure dans la mosquée pendant quelques jours uniquement pour faire de l'adoration, des prières, la lecture du Coran, et donc il sort pas de la mosquée, il reste dans la mosquée pendant plusieurs jours pour faire des adorations, et ça en général c'est dans le mois de Ramadan, et souvent on le fait dans les 10 derniers jours, les intikaf, hein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. Puis étant donné que les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses maisons étaient collées à la mosquée, donc parfois il entrait sa tête, hein, par la porte de la mosquée qui donnait à sa maison, et Aïcha radiallahu anha, elle lui lavait la tête, elle lui lavait les cheveux, naam, alors qu'elle avait ses menstruations. Donc c'est pour dire que c'est pas parce que la femme a son état de menstruation qu'elle peut pas toucher à quelqu'un ou à quelque chose, hein, comme contrairement par exemple aux juifs qui eux, lorsqu'ils ont leurs femmes ont leur menstruation, ils ont aucun contact avec leur femme jusqu'à ce qu'elle se purifie. Elles vont habiter dans une autre maison, puis elles restent seules jusqu'à ce qu'elles se soient purifiées ou des choses comme ça. Non, dans l'islam c'est pas le cas, et on va expliquer les détails de ça dans ce qui suit. Donc le cheikh explique le sens général de ces hadiths-là. Le cheikh il dit « Al-ma'n al-ijmali, ijtamala hadha al-hadith ala thalathi masail. Ala thalathi masail. Al-oula, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa zawjatahu kana yaghtasilani min al-janaba من إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه. نعم. إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. Donc le cheikh explique que ce hadith il comprend trois règles ou trois points ou trois sujets. Le premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son épouse, ils se lavaient tous les deux de la janaba, du même contenant. Et ça veut dire également que l'eau qui est pure, elle ne va pas être salie ou rendue impure par le fait qu'on met nos mains, ou par le fait qu'on prend de l'eau avec nos mains dans le contenant, du fait qu'on est dans un état d'impureté rituelle à cause du fait qu'on a eu des rapports sexuels. Donc le fait qu'on est impur, ou qu'on est junub plutôt, eh bien ça rend pas l'eau impure. C'est la preuve qu'on peut mettre nos mains dans le contenant et que l'eau va quand même être pure et va être encore bonne à utiliser. Parce qu'il y a des gens qui disent par exemple, on n'a pas le droit, il y a des positions dans certains madhab qui disent que on n'a pas le droit d'utiliser le restant de l'eau qui a été pris par la femme pour se purifier ou pour faire le rosul. Ils considèrent que ça purifie pas. Donc ça c'est la preuve que c'est faux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son rosul lui-même avec son épouse dans le même contenant, hein. Et il considère donc ça, donc c'est la preuve que c'est faux. Et il y a des exemples aussi d'autres hadiths à ce sujet-là, mais bon, pour ça, ce hadith-là, il est clair à ce sujet. Et il dit, du moment, bien entendu, que la personne, elle s'est bien lavé les mains et nettoyé les mains avant de les rentrer dans le contenant. Donc si, par exemple, la personne a touché à des impuretés, avant de mettre sa main dans le contenant, elle doit les nettoyer, bien sûr. Et ça, c'est mentionné dans d'autres hadiths. Le deuxième point qui est mentionné dans ce hadith, c'est la question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Wa anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam arada an yushari' li ummatihi fil qurbi min al-ha'id ba'da an kana al-Yahud la yu'akilunaha ولا يضاجعونها فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض. C'est-à-dire que deuxièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم mentionne que il voulait, en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer à sa umma qu'il est légiféré d'être proche de son épouse lorsqu'elle a ses menstruations. Parce que les juifs, eux, lorsque leur épouse était en menstruation ou lorsqu'une femme a ses menstruations, eh bien ils ne s'assoyaient pas avec elle pour manger et ils ne dormaient pas avec elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ordonnait à Aïcha radiallahu anha de mettre son izar et il pouvait jouir d'elle et faire tout ce qu'il veut avec elle, excepté les rapports sexuels dans les parties, parce qu'elle avait les menstruations dans ce moment-là, donc c'est ça qui est interdit. Mais sinon, il peut avoir des rapports sexuels, des rapports avec elle autres que l'acte sexuel. Non. Oui, bien sûr, dormir côte à côte et ils peuvent se toucher, ils peuvent faire ce qu'il, le mari peut faire avec sa femme ce qu'il veut, excepté du moment qu'il n'a pas des, il ne fait pas l'acte sexuel de pénétration dans les parties génitales, parce que ça c'est interdit. Puis également c'est pas une excuse pour ceux qui disent, bon, par exemple, si son épouse elle a ses règles, donc il y en a qui disent ou bien qui pensent qu'ils peuvent se permettre de faire la sodomie par exemple durant la menstruation. Non, ça c'est pas permis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, man atam ra'atahu fi duburiha faqad kafar. Il a même appelé ça le kufr. Il a même appelé celui qui sodomise sa femme, il a même appelé ce péché-là un péché, une mécréance. Donc c'est pour dire que c'est un très grand péché. C'est un très grand péché. Et certains ulama l'ont même appelé la petite homosexualité. Parce que cet endroit-là, l'anus, n'a pas été fait pour avoir ce genre de rapport sexuel. Puisque c'est un endroit dont les impuretés sortent. Et personne n'a d'enfant par ces voies-là. Tandis que les voies par lesquelles Allah a permis d'avoir des rapports sexuels, c'est les voies par lesquelles il peut y avoir une progéniture et des enfants qui naissent de ça. Et donc c'est pour ça qu'il dit nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, c'est-à-dire vos épouses sont comme un champ pour vous, alors labourez vos champs comme vous voulez, c'est-à-dire que c'est un champ, quand on sème dans un champ, bien il y a des fruits qui sortent, il y a des légumes, il y a des fruits qui sortent. Donc c'est l'exemple de la comparaison avec le fait d'avoir des rapports sexuels avec la femme par les parties génitales qui vont faire en sorte qu'on peut avoir des enfants, et non pas comme le font certains parmi les gens qui n'ont pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que ouais, non, c'est ça exactement. Donc la sodomie, c'est pas interdit seulement entre deux hommes, mais c'est interdit même entre un homme et son épouse. Donc si c'est interdit entre un homme et son épouse, c'est encore plus haram si ça se fait entre deux hommes. Allah al-musta'an. Et aussi par rapport à ça, c'est permis à un homme d'avoir des rapports sexuels avec son épouse dans n'importe quelle position qu'il désire, du moment que c'est dans le vagin, c'est pas ailleurs. Non. Donc la haya fi din, comme on dit, il n'y a pas de gêne dans la religion, donc il faut dire les choses clairement pour éviter que pour éviter des ambiguïtés. Le cheikh il dit wa thalitha, le point numéro 3, أن الحائض لا تدخل المسجد لأن لا تلوثه. C'est-à-dire que il dit que la femme qui a ses menstruations, elle ne doit pas entrer dans la mosquée pour pas qu'elle salisse ou qu'elle rende impure ou qu'elle fasse tomber des impuretés sur la place où on prie. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد فتغسله مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. نعم. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sortait sa tête de la mosquée dans sa maison, vers sa maison, pour que Aïcha radiallahu anha lui lave sa tête alors que lui était dans la mosquée. Et c'est la preuve que la femme qui est menstruée et qui a sa menstruation, ça ne l'empêche pas de faire ce genre de choses, de faire ce genre de choses, et c'est pour montrer qu'il n'y a pas de mal à faire ça, parce que contrairement aux juifs, eux, qui n'ont aucun rapport avec une femme durant ses menstruations, donc l'islam c'est pas comme ça. Et donc ça c'est trois points qui sont mentionnés dans le hadith, et les règles qu'on peut tirer de ce hadith là, le cheikh il dit جواز الاغتسال الجنبين من إناء واحد, c'est-à-dire la permission que deux personnes, un homme et sa femme, lorsqu'ils sont junub, ils peuvent faire le ghusl dans un seul contenant. Le point numéro 2, جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج, وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة. Donc il dit qu'il est permis pour un homme de dormir avec sa femme et de se coller sur sa femme, même du fait qu'il ait du plaisir avec sa femme, du plaisir sexuel avec sa femme, mais ailleurs que dans de l'endroit où elle a sa menstruation, d'accord, ils peuvent dormir côte à côte et il peut, avoir du plaisir sexuel avec elle en utilisant d'autres membres de son corps ou d'autres parties de son corps autres que ses parties génitales. Non. Donc, dans les livres de fiqh, il y a des ulama qui mentionnent, par exemple, différentes parties que l'homme peut utiliser par rapport à ça, comme par exemple les cuisses ou les jambes, les cuisses, en tout cas, des exemples comme ça. Et il dit ensuite, le cheikh, que du moment que ce n'est pas l'endroit d'où sortent les menstruations, et bien entendu, pas l'anus aussi, qu'on a mentionné que ça c'est haram. Je pense que les rafida, eux, sont ceux qui rendent ça halal, qui permettent les rapports par l'anus. Mais ça, c'est clair que c'est interdit dans la sunna, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, le point numéro 3. Non, exactement. C'est pour montrer que parce qu'il y en a qui pensent, c'est ça, comme tu dis, que il y en a qui pensent que la femme, quand elle est dans cette période de menstruation, elle est impure en elle-même, que son corps devient une impureté, que tu peux pas toucher à la femme, à ta femme. Et des fois, il y en a parmi les femmes non musulmanes aussi qui s'imaginent que, par exemple, si on refuse de leur serrer la main, c'est parce qu'on pense qu'elles sont impures. Et c'est pas du tout la même raison, et c'est pas du tout la même chose. C'est juste que parce que en islam, on touche pas à une femme si elle n'est pas une mahram, ou bien si elle n'est pas notre épouse. Donc on n'a pas le droit d'avoir aucun contact physique avec une femme en dehors de notre épouse ou des femmes de notre famille, c'est-à-dire yani celles qui nous sont interdites à marier. Non, on ne touche pas à une femme étrangère. Non. Ensuite, le point numéro 3, استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة. C'est-à-dire, il est recommandé lorsque l'homme va dormir avec sa femme et qu'elle a ses menstruations, de porter un isar ou quelque chose autour de sa taille et de ses hanches qui vont empêcher d'être en contact avec l'impureté ou le sang impur. Il dit le point numéro 4, اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم. Donc, de prendre les causes nécessaires pour empêcher de tomber dans le haram. Donc ça fait partie des exemples. Du fait de porter l'izar à ce moment-là, ça fait comme une barrière, ça empêche d'avoir des rapports durant la menstruation. Parce que les koufars, il y en a des koufars, parmi les chrétiens en particulier, qui ne se gênent pas, même pendant la menstruation, ils ont des rapports sexuels pendant les écoulements de sang. Et pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas rien comme étant impur. Hein, Allah al-Musta'an. Le point numéro 6, إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. Donc, le point numéro 6, le fait qu'il est permis pour la femme de toucher à des objets qui sont secs ou mouillés ou humides et de laver par exemple les cheveux de son mari, de lui peigner les cheveux, c'est pas impur, ça rend pas les choses impures non plus, contrairement à ce que les juifs eux ont comme principe dans leur religion. Ils peuvent pas, la femme, ils considèrent que tout ce que la femme touche devient impur, parce que la femme elle-même est impure, et donc la femme ne peut pas avoir aucun contact avec son mari durant cette période. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Et le cheikh, il dit, comme point numéro 7, أن المعتكف إذا خرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه. يعني الشيخ يقول que le معتكف, la personne qui fait l'i'tikaf, il fait une retraite dans la mosquée, eh bien s'il sort sa tête de la mosquée, il n'est pas considéré comme ayant sorti. Et on peut dire par analogie que tous les autres membres du corps, c'est pareil. S'il sort son pied ou sa jambe de la mosquée, alors que le reste de son corps est dans la mosquée, donc on considère que c'est comme il n'était pas sorti. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On finira ce chapitre-là demain. Puis c'est le dernier chapitre, donc le prochain livre dans ce chapitre, dans le prochaine partie dans ce livre après Kitab al-Tahara, c'est Kitab al-Salat. Donc la prochaine partie, c'est le livre de la Salat. Donc c'est ce qu'on va lire après. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Ben, il reste encore deux hadiths. J'aurais pu les finir, mais j'ai pas envie de pousser trop. Effectivement, il reste juste deux pages. Parce qu'on a déjà fait 1h05. Et j'ai pas envie de pousser ça, donc je préfère m'arrêter tout de suite. Exactement. Et puis, comme tu peux constater, même que le cheikh il a pas parlé de tous les points qui ont été mentionnés par rapport à la menstruation, parce que c'est un sujet qui est très détaillé par les ulama dans les livres de fiqh. Mais le but, c'était pas de détailler, c'était juste de faire connaître les choses les plus importantes. C'est tout. Exactement. Exactement. Ouais, exactement. Naam. Donc on va voir demain, inshallah, on va en parler encore, inshallah. Exactement. Exactement. Exactement. Subhanallah. Donc on va s'arrêter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين